Dis-moi les quelle heure. Il est moins de 3. C'est quoi moins 3? C'est quelle heure, mon prince? Je vais partir. Non, mais attends, Martin, attends 2 minutes parce que tu présentes le début là. Dans 2 minutes, tu peux partir, pas avant. Oui. Mais tu voulais chanter un rap, c'est ça? Oui, mais un rap. Ouais, mais. Tu vas présenter la radio d'abord et après tu vas faire un rap, ok? Ouais. Mettez votre casque. Ok, ok, on est un peu. Oh oh oh. Oh oh oh. Ouais. Oh oh oh. Oh. Comment les amis, nous sommes dans la radio, Radio Metanoia. Nous sommes en exclusivité avec mon gars. Comment il s'appelle? Bastien. Bastien. Bastien. Vas-y, Bastien. Ah, attends, on est à 2 minutes. Ah ah ah. Toi, c'est tu vois, ça c'est le volume de tous les. Bastien les va nous faire le chant comique. Hey. Un chant comique. Bastien. Bastien est dans la piste. Yes, Bastien. Tiens le mic. 1 minute. Tu vas présenter la radio, voilà, on est à Metanoia. On est à Metanoia, bonjour. Et je souhaite beaucoup de bonnes choses pour vous. Hein, et je souhaite beaucoup de meilleurs voeux pour vous et c'est ça qui est important. Hein. Ouais, voilà. Mais... Tu répètes tout ça dans moins de 30 secondes. Quel switch? Oh. Hey, là tu... Mettez un rap, s'il vous plaît. Ah, tu entends là le... Attends. Oui, tu entends bien Eric, là, quand je parle comme ça? Je parle à la radio, là. Mais voilà. Mais parlez, tout le monde a un micro, là, tu sais, c'est bon. Allô. Vous pouvez mettre un rap Une fois qu'on est en ligne. Voilà, maintenant, tu peux y aller. Mais avec le son de la musique aussi, accompagné. Doucement, mais comment déjà? Tu fais de la présentation? Présente. Tu peux présenter. Bonjour. Bonjour, je suis Bastien. Et je représente la radio Metanoia et vous pouvez tous venir ici parce que vous avez tous des objectifs d'avancer. Et on est prêt à avancer avec vous. On est prêt à faire pour vous et c'est ça qui est important. Afin que vous avancez dans ce que vous entreprenez et c'est ça qu'on est prêt à vous aimer. Merci. Tu peux dire les programmes d'aujourd'hui? Programme, chronique sur la réussite, freestyle, réflexion sur l'automatique. Devant le micro, sinon... Chanter, mettez la musique, chronique sexualité, hashtag 2. Ok, c'est moi qui... Attends, je te mettrai... Vas-y, Bastien, maintenant tu peux chanter. Si tu veux, va, attends, c'est bon. Avec des paroles. Lunatique. Boubalik. 9 de hit. 9 de hit. Inch'Allah. Mirap. Balkan pour les retraites. C'est la nuit. C'est un classique, attention, Bastien. Tu n'importe quel. Sauf c'est un trop trop petit. Le cache. Pour voir nos faiblesses. Sacrifier mon âme, mon ADN. Vitienne, superfemme, tous les instruments dans la vue, hashtag pauvre. Pulsion, qui lui a mis ça concrètement? Que veux-tu, t'es? Les têtes de l'enfance. Et dès le matin. Les erreurs n'appartiennent pas. Pas tant les regrets. Les erreurs n'appartiennent pas. Les erreurs n'appartiennent pas. les regrets n'appartiennent, ne me rappe progrès. Les erreurs n'appartiennent. Pas le temps pour les regrets, les appartiennent. Les erreurs nous appartiennent qu'à nous-mêmes. Qu'à nous-mêmes. Ouais, balance du flow, Bastien. Balance du feu, Bastien. T'es pas obligé d'imiter les lyrics. Tu peux faire ça en improvisation. En improvisation. Le but, c'est l'admiration. Tu sais, quand tu les captes, ils sont en fascination. En impro, en impro, on sort les mots. Et pas mal de flow. De flow, check. Ok, c'est du old school. C'est du old school. C'est du old school, c'est du old school, c'est du old school, c'est du old school, ok. Bastien, vas-y, envoie, envoie, envoie, Metanoia, vibe, yes, yes, yes. On est déjà devant des autres. Sur les portes de l'enfer. Les erreurs, seul le repentir, la mettre à l'écart, ne part de progrès, pas le temps pour le regret, les erreurs ne m'appartiennent, les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, les plaines et pas et d'eau fraîche. D'illicité de péché, mon seul taf, je rappe sur respect, tout c'est le PC. Je vois pas mes frères agir à chaque fois, ils sont capables de survivre. Je lève le matin, mais juste pour pisser. Les soirées sont chères, les autres que je n'ai. C'est tellement nasque pour kiffer, je dois me détruire. C'est un risque, ils sont pour les roues. Les héros, on éclate en scène. Prier, quand je veux crier. Le regret. Bon, merci en tout cas, Bastien, pour cette merveilleuse présentation. Merci. On se voit le mercredi prochain et mercredi notre le 22 pour, la... pour le film. Si Booba il a écouté ça, moi je reviens plus à Metanoia, hein, je vous le dis. Mais qui va faire la chronique sur le. C'est pas mal, ça va. Vous pouvez faire la chronique. Hein. Ah bon. Alors, Bastien, c'est qui continue là? C'est moi. Vas-y, MR, c'est toi, tu vas. C'est moi. Et après Jamila, et après tout le monde, ok ouais, non, moi je sais pas, j'ai pas d'idées. Bah, tu as toujours des idées, Jamila. Tu es la. C'est celle qui a la plus d'idées de tout le monde, dit, j'ai l'impression. Je peux avoir le film? Ouais. Mais en fait, je commence. Vas-y. Après, ça fait MTR, ça fait CGMTR, après, ça fait moi, on fait comme ça. C'est chelou quand. Vas-y, CGMTR, après, je commence. C'est moi. Je peux avoir le truc là ? C'est là, c'est mis. Non. Moi j'ai pas. Ah! Allo! Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, MTR! Dans l'espace, tu connais? Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'espace, MTR? Ici, on un direct, vaisseau quoi. Qui se vaisseau! Voilà! Ouais, bah, moi ça va. Après MTR, on te. Vous allez peur ou quoi? Ça dit quoi? Tu passes après MTR? Ouais. Ok. Bah, tu passes après CG alors? Tu, hein peux, tu peux présenter MTR un peu, Jérémy? Ok. MTR, il n'y a pas de MDR ici, hein! Il n'y a pas de MDR, mec de Montreuil, MTR! Vous avez capté la ref ou quoi? Les abrégés MTR. Parce que moi je suis là-bas de base. Je suis né à Montreuil. Moi je suis de Montreuil, c'est pour ça que j'ai mis MTR. Le blague j'ai mis comme ça, tu vois. On a compris. Voilà, on est. Ouais. Ça dit quoi l'équipe bien? Ouais, on va bien là. Ouais, Martin, il va bien sur Martin, il va comment? Moi je vais de mieux en mieux parce que chaque fois tu parles maintenant de poésie. Ah ouais, t'es. Plus large quoi. Là t'es bien réveillé, ça se voit. T'es bien réveillé. Bon, ça y est. Tout le monde est réveillé, ça y est, c'est bien. C'est bien. Comme bon, mercredi, ça va. MTR, tu t'entends bien là, le son là? Ouais, ça va, tranquille, ça marche. Okay. T'entends bien ? Tout le monde entend bien ? Approche-toi du mic. Une boîte automatique. Il faut que ta bouche se rapproche du mic. Ton micro, il soit comme ça. Ouais, ouais, comme ça. T'as capté ? Ouais, comme ça. Ouais, c'est bon, c'est bon. Bien, c'est mieux. Vas-y. MTR. Ouais. Il n'y a pas d'instru, Martin. C'est l'instru imaginaire. Non, mais attends, c'est... Je te mets une instru. Ah, d'accord, ouais. Putain, c'est... Ah, putain, des merdes. Oh là là là là. Quel... C'est vrai. Qu'est-ce grand mot ici. On peut dire des grands mots aussi, non? Non, non. Pas inventer des grands mots. Dorénavant, d'après, dans le bus. Ah ouais? Ouais, là-bas, ouais, dehors. Il n'y a pas de bus ici. Bah si, tu vas prendre une voiture là-bas. C'est le bus. Ah ouais. Bah ouais, pourtant c'est le bus. Jamila, invente un gros mot. Non, non, non, moi je dis pas de gros mots, moi. Ah. Pas aujourd'hui. À part quand je suis en colère. Ah ouais, quand tu es en colère. Tout le monde dit des gros mots. Que... C'est impressionnant. Hein. Même les flics ont peur de Jamila. Ouais, les flics me connaissent, ça y est. Après, c'est un métier comme tout le monde, hein, tu vois. Ça ouais. Marche pas. C'est un métier comme tout le monde, tu vois. On lève la coque de ton téléphone. Non, non, non. Bah sinon, ça marche pas. Ça va marcher, ça va marcher. Je fais toujours ça. Moi. Non, ça marche pas. Attends, on lève d'abord le câble et voir si ça marche. Et après, tu veux. Voilà. Écoute, là, il y a quelque chose ou pas? Écoute d'abord si ça fonctionne sans les câbles. Là, j'ai mis là, le câble. Ouais, mais avant, pour savoir si ça marche. Ça Mais bon, on va pour l'instant. On reçoit aujourd'hui des gens du début de la radio. Il y a Christiana qui ça fait des rien que ça. Nous avons un petit problème technique. Nous allons improviser. Nous allons tous chanter ensemble. Récemment, il y a eu le concert des Enfoirés. Ah non. Oh, j'ai pas vu le concert, mais on peut en hommage à Coluche. Ah, ça y est, ça redémarre. Voilà, bon. Jamila, heureusement tu es là. Ah, c'est mieux que les Enfoirés. Une autre? Ouais, une autre, ouais. Celle-là, je suis pas trop sûr, mais un autre, c'est mieux. Est-ce qu'on peut augmenter le son? Mais moi, old school, c'est pas un entrée à l'ancienne, ouais, ce serait mieux. Là, pour changer un peu de drill, on va mettre un truc à l'ancienne. Ce serait pas mal. Moi, je te mets un truc à l'ancienne. Tu mets du boom bap, Martin. Hein? C'est ça le vrai rap old school, faut que tu mettes du boom bap. Non, du boom bap. Bon, du boom bap. C'est quoi, boom bap? C'est quoi ça? C'est le rap old school, c'est Tupac, c'est la West Coast. Ouais, un truc comme ça, c'est mieux. Un peu c'est pour du boom bap. Bien ça. Comme fait comme ça un peu, tu vois un peu. Ouais, t'aimes bien ça. Non, un autre. Ça, c'est de la drill, hein. C'est de la drill, ouais. Ça. C'est bien ça. C'est de la drill. Vas-y, vas-y. Je crois que c'est interpellé ou quoi, tranquille? Vous avez peur? Vous avez passé une bonne journée, ça va? Le travail, le boulot, tout ça? Bah, moi, ça va, tranquille. Comment dire? Vas-y, remets. S'il te plaît, merci. Pull up. Ouais, c'est MTR, bien quoi? On dit quoi, bien? T'es bien? MTR 9300. Montreuil. Ouais. Ouais. Le statut de liberté, la main levée, c'est la Coupe du Monde en 98. Tu regardes ton laser, il s'allume. On dirait un RERE quand tu vois les phares teintés en mode GT. C'est le marathon quand tu passes à la télévision. La main levée, c'est Statue de Liberté. Aux États-Unis, au steak. T'es vert, t'es géant vert, t'es corde à sauter, t'es tout vert. Tu rétrécis, on dirait une courgette. De Bob l'éponge. C'est la Statue de Liberté. Quand t'es réchauffé. On dirait climatique, le soleil se lève, ça brûle. La statue liberté, elle vient empoisonner. C'est rouge, c'est bleu, c'est la France. L'États-Unis et le state, c'est pas pareil. Qui s'est passé? La guerre mondiale, c'était pas top pour la France. Qui s'est passé la semaine dernière? C'était vendredi. La gare du Nord, ils ont mis une bombe. C'est des fous les gens. Ils savent pas la mentalité, ça veut dire quoi sur la terre? On dirait une boîte d'essence. Les gens c'est des malades quand ils passent à Gare du Nord. on dirait cligner en cours. Ça passe, ça vient, ça bicrave. Quand tu fumes du shit, t'es un fou. Ton cerveau, ton disque dur ne fonctionne pas. Ça passe, ça vient. C'est comme les Condés. Ils passent à gauche, à droite, comme le clip de l'usine. Le rappeur de Montreuil, il portait des Air Max quand ça passait. La police s'y brûlait quand il sniffait. Voilà, c'est tout. Bravo! Ah, l'équipe. Ouais, je peux te dire maintenant le thème. J'ai fait quoi? J'ai fait un thème remixage. T'as, c'est pas comme à l'époque, tu vois, comme je t'ai expliqué. Bon, l'équipe, vous allez bien? Ça va. Ouais, tranquille, tranquille. De mieux en mieux ce que tu fais. Là, tu dis là, ton avis, tu vas dire quoi? C'était mieux à l'ancienne? Quand je suis en 2023 ou 2025, c'est quoi le précédent truc que t'aimes? Non, ce que j'aime. Non, c'est mieux maintenant. Depuis un mois, tu fais des super. Je comprends mieux ce que tu dis. T'articules bien. Voilà. Parce qu'avant, t'es un peu speed, un peu, tu vois. Voilà, ouais. Mais comme j'ai d'énergie, j'arrive pas à canaliser. C'est pour ça, t'as vu, j'ai trop d'énergie, je sais pas. Non, mais là, t'as bien chanté calmement. Ouais, c'est bien, vrai, c'est vrai. Ouais, au début, les paroles. Ouais. Après, tu vois, après, j'ai fait des phrases comme j'ai dit les précédents. Ah, comment on dit ça? Comment on dit ça? Quand c'était précédent, tu vois, je disais. Tu vois, la dernière fois, quoi, j'ai chanté comme ça, j'ai fait un truc sur les émeutes, là. J'ai parlé de 2005, là, quand il y avait un jeune. J'étais un Marocain, ou l'autre, c'était un Malien, je sais pas quoi. Quand c'est passé un truc en 2005, il a fait ce thème-là, des émeutes, là. Comme Larsco, il a mis le. Je sais pas quoi c'est, Larsco, le rappeur de Bondy. Il a mis un petit photo d'un deux jeunes. Qui sont partis, tu vois, en 2005, parce qu'il y a une époque en 2005, moi je savais pas. Après, j'ai fait un thème, l'autre thème c'était sur. C'était sur. L'Ukraine et la Russie. Et après, j'ai fait quoi comme thème? Après, j'ai parlé, troisième thème, c'était sur tout ce qui est, tu vois, le planète. Hein? En chantant? Ouais, après j'ai fait Planète Mars, après j'ai mis un peu un remix sur les TN un peu parce que tous les rappeurs parlent des TN. Les TN c'est porté en 98, le jour de la Coupe du Monde. Cette paire est sortie, cette paire maintenant ça fait 27 ans, tu vois, les TN qui portent des jeunes. Tu vois, les jeunes ils portent des Floride et tout. Moi j'ai mis ce thème là, des TN un peu, tu vois, des baskets, t'as vu, des Air Max qui étaient auparavant, tu vois. Après je mettais un peu de remixage, un peu, tu vois, des thèmes comme ça. Et là aujourd'hui. J'ai fait un thème sur statut de liberté, et tu vois, j'ai mélangé les mots un peu, tu vois. Mais les TN, les Air Max, c'est du déjà vu. Rimka et Nino, ils ont fait un featuring sur ça, ouais. Air Max. Donc en vrai, je vais être honnête avec toi, MTR. Ouais. Il faut que tu arrives à trouver des pieds parce que pour le moment, tu n'arrives pas à rimer. Pour le moment, tu as le niveau de Kobalade, c'est pas bon. Ah ouais? Ouais, ouais. C'est pas bon du tout. Il faut que tu réussisses. Ouais, il a le niveau de Koba. Mmh. Koba, il est très fort. Hein. Koba, il est faible. C'est son ingé son qui le rend fort. Bah, donc, du coup, il est faible, Koba. Non, il est fort. C'est son ingé son qui le rend fort. Donc, il faut que tu. Tu vois, là, t'es en impro. Pour commencer, en gros, tu y vas direct. Pour commencer, prends un téléphone. Ouais. Commence à écrire sur ton téléphone. Ouais. Tu vois? Ouais. Commence à t'entraîner sur des instrus old school, pas de la drill ou de la trap. Old school, c'est du boom bap. C'est tout le rap des années 90. Je voulais ça. Commence par faire ça et tu verras, tu vas vraiment progresser. Mais dis-moi, t'as aimé ou pas le freestyle que j'ai fait ou vite fait? Les paroles, elles sont bien, mais tu ne rimes pas. Les paroles, elles sont bien, mais tu ne rimes pas. Rapper, c'est rimer. Ouais. Rapper, c'est rimer. Après, t'as vu, j'ai mélangé les textes un peu. Je sais pas comment on fait auparavant, tu vois. Je parlais sur Martin, cheveux bleus, je sais pas ouais, quoi. Ouais, mais tous les rappeurs ne riment après, pas. Après, t'as vu. Après, ah, t'as ça, vu. C'est les nouveaux rappeurs, ça. Ah. Les nouveaux rappeurs comme Koba ne riment pas. Parce que l'ingé son, moi, je sais comment ça se passe en studio. Ouais, j'ai fait des scènes où j'avais 5000 personnes devant moi. Pour 12 minutes. Je sais comment ça se passe. Vas-y, fais-nous une chanson. Je passe après, CJ. Vas-y. Ouais, vas-y, équipe, j'y vais. Moi, je vais interpréter. Et tu manques de la technique aussi. Pourquoi? Ton rap, il est trop. Tu fais. Ouais, mais il s'est amélioré. Parce que vous le connaissez, c'est ouais, pour ça. Parce qu'avant, quand il rappait, on ne comprenait pas ce qu'il disait. Alors, tu aurais vu avant et maintenant, je trouve que c'est mieux maintenant. Là, tu lui as donné des bons conseils, donc il ne peut que s'améliorer. Ok. Il peut que s'améliorer. Peut-être que la prochaine fois, il fera après, un bon rappeur. Après ton avis, dis-moi, t'as aimé ou pas ton commentaire? J'ai aimé les paroles, mais c'est pas du rap. Ouais, je vois. Mais après... C'est pas du rap, mais j'ai aimé les paroles, mais c'est pas du rap. Dis-moi, vas-y, t'as aimé ou t'as pas aimé, frère? Ouais, mais après... J'ai aimé, je t'ai répondu, ouais. J'ai aimé. Ouais. Mais ce que tu fais, c'est pas du rap. C'est quoi? Bah... C'est un son nouveau. Mais voilà, c'est mieux. Quoi, c'est un son nouveau, tout simplement. C'est un son nouveau. Ouais, ça, j'ai écrit dans ma tête un peu, tu vois. Mm. C'est tu vois, c'est un nouvel ça. Univers. Ouais, un nouvel univers, ouais. Nouvel univers. Ouais, ça, ouais. Voilà. Mais c'est sa façon à lui de s'exprimer. C'est comme oh, ça, non. Chacun fait son truc. Non, non, mais si, mais lui, il a pour ambition d'être rappeur. Ah, d'accord. Il a pour ambition d'être rappeur. Non, mais là, les enjeux, il doit les élever. Oh. Non, ouais, mais. Ouais, tu vois, par exemple, là, Eric, à la radio, il dit qu'il aime le, au contraire, les paroles qui ne riment pas. C'est justement quand ça rime trop, il aime pas. Ouais, mais quand c'est bien fait aussi, il faut... faut savoir le faire. Ah, il est là, lui. Il faut savoir bien faire. Bonjour, Ringo. Bon, en tout cas, j'adore comment Koba, les lyriques qu'il a fait. Il fait des textes, c'est rimé. Après, j'ai changé. Des fois, il fait des textes qui ne sont pas rimés, mais c'est magnifique. C'est fort. Vas-y à toi. Vas-y à moi. Vas-y, j'y vais. Bon, mercredi à l'équipe. Merci, vas-y, à bientôt. Merci, MTR. Vas-y. Merci, ouais, bon, merci. Mercredi à vous. Merci, MTR. Vas-y, je vais interpréter deux sons. Ouais, salut, MTR. À la semaine prochaine. Et note okay. pour le 22 pour le film. Quoi? Le 22 et 29 mars. Pourquoi ça? À la 4 cours de la République, on fait le radio-film. Moi, je sais pas, Martin. Mais si, on vient de parler. Et c'est noté sur la derrière de la porte. Mais tu crois? C'est un samedi. J'avais... Martin, je sais pas, moi. Bon, on te dira ça samedi, mercredi prochain. Vais, on va le noter ça mercredi prochain, si tu veux. Ouais. Sinon, là, il y a un nouveau... Tu peux le présenter, Jérémy, le prochain? CJ la pépite. Vas-y, je vais rapper un plus son. Plus besoin de présenter, hein, tout le monde connaît. Plus besoin de présenter. Et il y a un gars, il y a mon gars sûr, il vient d'arriver. Il y a mon gars sûr. Laisse-moi parler, wesh. Il y a mon gars sûr, il vient d'arriver. Ça va ou quoi? On est là, les polygames, hein. Tu connais? Vas-y. Bon, ça, c'est après. Attends, voilà. Moi aussi, je peux être polygame. Moi, je suis polyamoureux, ça vous dérange pas? Ouais, et puis c'est elle qui a la chronique de le polyamour. Je veux, c'est pas toi. Parce que c'est pas toi, tu décides, Rigo. Hein. Si je veux te la prendre. Vas-y, c'est bon ou pas? Ouais, tu peux aller dans la salle. Je vais interpréter un son, Trahison, de Weshden et Larcé. Et j'ai un autre son aussi que je vais interpréter. Dune. Oui, j'arrive. Moi, je suis polygame, moi. Ouais, le son. Ah, c'est bon. Pourquoi vous me regardez comme ça? J'ai des frères. Cool. Ouais. On ne te regarde pas, en tout cas. C'est là. Ouais, poteau. Et maman m'a dit, attention aux fréquentations que t'auras. Et je sais pas si j'ai mauvaise odorat. Mais en tout cas, leur pura, ils puent la merde. Eux et moi, c'est pas la même. Ils ont voulu me la mettre. J'étais à des kilomètres, j'ai rien vu. Et puis vous savez, je vais vous raconter ma vie. Je pense pas qu'un Dieu vous la veut. Non, non, il n'y a pas de rêve. Je suis le seul fils de ma mère et mon père. Et dans ma cité, il y avait beaucoup de rêves. Ce matin, on parlait en mal de moi comme des salopes. Je me voyais au bord du gouffre. Mais pour me soulager, soit je rappe ou je rappe. J'ai un message à ceux qui m'écoutent. Imaginons que vous ayez la cote. Je vous jure que c'est relou quand vous voyez que chacun vous quitte. C'est avec maman que vos potes. La plupart font que si c'est des bites, même celui que j'invite est mangé où j'habite. Trahison, beaucoup d'entre eux m'ont trahi, et même tiré j'ai failli. Trahison, beaucoup d'entre eux m'ont trahi, et même tiré j'ai failli. J'ai croisé le génie d'Aladin, en vrai, je lui ai dit exauce un vœu, je veux être connu dans la ville, et montrer que les et même écouter à Laval, et sachez que tromper la femme est une erreur. C'est qu'elle se vient pas à mes besoins. Elle veut des baisers, moi je veux que faire l'amour, mais je fais que de baiser. Je multiplie les conquêtes la noche. Si je te dis que je fais pas exprès, est-ce que tu me croirais? Grosse frappe, grosse élarque et qui est soirée. Je viens en survêt à ta soirée. Faut que j'arrête de serrer. Ils parlent sur moi, gros, sur ma mère qu'on est serein. J'ai un message à ceux qui m'écoutent. Imaginons que vous ayez la cote. Je vous jure que c'est chelou quand vous voyez que chacun vous quitte. Restez plus avec maman que vos potes. La plupart font que sucer des bites, sucer des bites. Même celui que j'invite et manger où j'habite m'a trahi. J'imaginons que vous ayez la cote. Je vous jure que c'est chelou quand vous voyez que chacun vous quitte. Restez plus avec maman que vos potes. La plupart font que sucer des bites, sucer des bites. Même celui que j'invite et manger où j'habite m'a trahi, trahi, trahi. Trahison, trahi, trahi, trahi. Trahison, beaucoup d'entre eux m'ont trahi. Et même tiré, j'ai failli. Trahison, beaucoup d'entre eux m'ont trahi. Et même tiré, j'ai failli. Trahison. Yeah, c'est l'art, c'est l'art, c'est. Yeah, yeah. Oui, bravo, bravo. Vas-y, ouais, je fais un autre son. Ouais, vas-y. Ah ouais, deuxième. Deuxième, deuxième ouais. Avant, on avait des sons. Attends, je regarde. On avait un peu ça, rien. Mais le 22, s'il te plaît, ça tombe à samedi. Ouais, ouais, le 22 c'est un samedi. Ouais, vous êtes invité les 15h de film. C'est jusqu'à quelle heure ouvert? C'est jusqu'à 17h30, 18. T'aimes bien la musique? 17h30, 18. Non, c'est à la Colombière, 4 cours de la République. Ah. Tu vois la Colombière, tu connais? Oui, le tu vas m'accompagner. Mais là, là-haut, on a la radio, donc c'est fermé en bas. Tu viens, Jamila, s'il te plaît, viens. Inch'Allah, ouais. On fait une scène avec le flic et tout ça. Juste après, tu feras ta partie. Et c'est là-haut, parle au micro comme ça on t'entend. C'est dans la petite salle? Ouais, deuxième étage. Et il y aura des caméras? Oui, on amène des caméras, mais après il y a des gens qui veulent te filmer ou pas, il y a des gens qui écrivent le scénario. Et c'est quoi? On fait quoi de la musique? On fait un radiofilm. Jérémy, tu peux dire un peu ce qu'on fait pour l'instant? Tu peux l'expliquer à Jamila? C'est quoi pour ça? Les radiofilms. Ah, du docu radio? Ouais. Mais je vais laisser Ambre expliquer parce que voilà. Ambre, voilà. Je suis pas le centre du projet quand même. Vas-y, Ambre. J'aime bien saper ce jour-là. Moi aussi, j'aime bien saper. Tu sais, moi aussi, j'aime bien saper. Est-ce qu'on m'entend? Moi aussi. Tu préfères toi. Moi aussi, je vais être un bel Ambre. Bon, on écoute Ambre, il va nous expliquer le projet. C'est NTM, tout ça. Ouais, je vois. Et New School, c'est Trap Drill. UK. Donc on fait un projet sur la radio, plus ou moins, enfin c'est pas vraiment sur la radio, mais c'est des personnes qui viennent à la radio. Et en fait, à la base c'est sur les phénomènes paranormaux, mais on peut un peu ramener ce qu'on veut. Enfin, CJ a chanté par exemple, La Case aussi. Et voilà, il y a aussi... un peintre qui est venu nous parler de ses peintures. Ouais, Jafari, tu connais Jafari, Jamila. Jafari. Tout à l'heure, je l'ai rencontré. Ouais, Jafari, il vient nous parler de sa peinture. Enfin, chacun vient parler ce qu'il veut et on essaye de transformer les hallucinations. Attends, les hallucinations en film. Ah. Tu vois, c'est-à-dire que à la place de par exemple casser la hauteur de la police en direct, on va faire comme s'il a cassé, on va filmer ça et on va la projeter en permanence devant les flics, comme ça elle va... Non. Tu vois, mais l'idée, c'est ça de l'art. J'en ai déjà cassé. Moi, je sais, c'est pour ça que je te provoque un peu. Parce que, tu vois, c'est ce qu'on parlait l'autre fois. Si on a envie de casser une voiture ou de tuer quelqu'un, à la place de le faire par de vrai, qui le fait une fois et après on est en prison, dans l'art, tu peux le faire une fois et puis après tu le répètes tout le temps que tu veux. Quoi. Il y a plus de force que le réel. Donc voilà, mais. Comme si moi, si j'ai envie d'être polygame, j'ai le droit. Voilà, tu peux être polygame dans le film. Pour une femme, c'est pas la polygamie, c'est la polyandrie. Oui, moi c'est pareil. Là, je crois. Ouais. Le terme, c'est pas le même en fait. Ouais, c'est pas le même. Ben non. Bon, et on attend. CJ. CJ, tu es prêt? Elle m'a dit tu verras tout ce que tu m'as fait, on te fera. Elle voulait la vie d'Elvira. Bébé, la jalousie te tuera. Et je fais des sourires, je fais du peura. Normal que les michetos viennent en courant. T'es trop jaloux, c'est plus gérable. Tu seras un jour tout l'autre, tout ce sera. Elle a pris mon phone tel quand je dormais. Une mauvaise nuit, elle veut que je parte de la maison. Un message d'une ex qui voulait me parler. C'est le début des ennuis, faut la calmer. Elle a pris mon phone tel quand je dormais. Une mauvaise nuit, elle veut que je parte de la maison. Un message d'une ex qui voulait me parler. C'est le début des ennuis, faut la calmer. C'est un cœur que j'aime, mais un flingue sous mon blazer. Un flingue sous mon blazer. Un flingue sous mon blazer. Yeah. C'est pas un cœur que j'aime, mais un flingue sur mon blazer. Un flingue sur mon blazer. Un flingue sur mon blazer. Elle m'a dit, c'est qui Sarah? Tu fais quoi dans mon dos quand je suis pas là? Tu veux la guerre, on la fera. Tu veux piéger qui bouge de là, hey. Elle a des preuves, etc. À chaque histoire, je fous l'hella, hey. Je fais du sale, faut que je me fais là, hey. Sans toi, c'est plus pareil, je me sens qu'il arrête, hey. Pour toi, je crois c'est KO. Je crois que tu veux me dire ciao. Je pense au bon moment, trop d'OV, rien du chaos. Pour elle, je suis qu'un salaud qui pense qu'à carreau. Elle m'a dit, je te pardonne, cette fois-ci, tiens-toi à carreau. Quoi que je fasse, quand je rentre, c'est de la folie. Nique sa mère, c'est comme ça, je suis impoli. Finissons-en, notre amour est à l'agonie. Je sais que c'est mort, mais c'est toi que mon cœur a choisi. C'est pas un cœur que j'aime, mais un flingue sur mon blazer. Un flingue sur mon blazer. Un flingue sur mon blazer. Yeah. C'est pas un cœur que j'aime, mais un flingue sur mon blazer. Un flingue sur mon blazer. Un flingue sur mon blazer. Que j'aime, mais un flingue sur mon blazer. Un flingue sur mon blazer. Un flingue sur mon blazer. Yeah. C'est pas un cœur que ta mère. Elle m'a dit tu verras. Elle m'a dit tu verras. Elle m'a dit tu verras. Yeah! Bravo! Ouais, ouais, ouais. Bravo, CJ! Bravo, congratulations! Congratulations! Et l'ingé son, il nous a quittés. C'est la merde. Non, sérieux, il est allé où? Il est descendu aller chercher des gens, donc en attendant, on peut continuer. Bah, regardez, il est là. Ah ouais, il est là, on est qui ? Elle est où la fille qui était là, là ? Elle voulait voir. Elle est partie faire une pause. Oh, quand je rentre. Mais elle revient. Dommage. Ok, on a les nouveaux invités à la radio. On était où là, par rapport au programme ? Bah, c'est mon tour. En fait, j'explique un peu. Ouais. Je vais faire un petit son sur la trappe latina. Ensuite, je vais inviter mon collègue à côté à faire un petit passe-passe avec moi en improvisation. Ouais. En gros, 4 mesures chacun, donc 2 rimes chacun. Parfait. Et ensuite, une fois que j'aurai bien chauffé, mon invité continuera par rapport à un texte à lui. Un texte à lui, et ensuite, ça continuera texte, avec les autres. Vas-y. Ouais, lui, il a un texte. Ouais, il a un texte. C'est un texte chelou, c'est un texte bizarre. Pourquoi? Pourquoi t'as dit ça, là? Tu peux lui donner ce micro aussi si tu veux là. Oh. C'est si tu veux, ça tu peux chanter des bouts si tu préfères. Non, je vais rester assis. C'est quoi ouais, le pour lui, micro. Pour lui, il y a un micro. Ah ok, d'accord. Okay. Bon, c'est parti. Ben, on a voilà un micro chacun. Ouais, par contre, moi, j'ai jamais rappé, du coup, ça va. Micro bourbier. Clairement, c'est toujours une première fois dans la vie. Hein. Exactement, ça va donner. N'est-ce pas, Christiana? Ouais, n'est-ce pas? Mais oui. N'est-ce pas hein ouais, parce que Black S il m'a pris comme ça, il m'a dit maintenant c'est comme ça, tu vas rapper avec moi, je t'invite. Je fais ok, j'avais pas eu le choix. Sur la première partie je la fais en solo. Et sur la deuxième, on va rapper sur l'instru d'Ayam, Petit Frère. Ok. Petit ouais. Frère, ouais. Pas mal, très beau choix. C'est lui que t'as mis là ? Non, celle-ci, c'est de la trap latina. Ok, et là, tu as... J'ai ouvert un onglet. T'entends j'ai mis la vidéo. Ouais, voilà, voilà. Tu es venu ? Bonjour. Donc, du coup, t'as juste un play, normalement. Ok. C'est écrit Tequila. On y va. Tu l'as vu ? C'est bon. Chaud, chaud. On m'entend ? Ouais, on t'entend, on t'entend bien. Même si t'aimes pas, je ne pas. T'étais où quand j'ai écrit mes premiers tests ? T'étais où quand j'ai fait mes premières scènes ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est les câbles que. Ah, ok, ok, ok. Je ne suis pas dans les blablabla, plus dans les blatata. Plata, plata sans prendre le risque du placard. Plata, plata sans prendre le risque du placard. Yeah, ok. Câble. Vérité. Tu fais d'avoir pas tiré. Jérémy. Y'a quoi ? Y'a le câble qui s'est débranché et on t'entend plus, je vais remettre. Putain. Ouais, je pense que tu peux prendre celui-là. Prends celui-là. Voilà, et l'autre. Putain, faut mettre depuis le début alors. Ouais, t'inquiète, on va reprendre. Pas de malin. Après, il y a Jamila, mais tu peux lui donner le micro à lui. Non, peut-être une après, tu peux prendre le billet si tu veux. Tu peux prendre toi. Non, je ne pas. Voilà, on va reprendre. C'est ce qu'il veut, hein. Pardon ? On va reprendre à cause de ces problèmes techniques. Femmes font ce qu'ils veulent. Moi, je suis féministe. Ouais, après, c'est. Regarde, reste assis. Reste assis. Sur le premier, je suis tout seul. Et comme ok, d'accord, ok, quand tu veux. Ça parfait. Fait un passe-passe. Parfait. Et sur le premier, je suis tout seul. Ok. Et après, je vais le mettre au milieu le micro. On y va, parle au micro comme ça, on t'entend. Ouais. Okay. On m'entend là ? Ouais, on t'entend bien. Ok. Ah, tu t'entends au casque ? Ouais. Moyen. Si on t'entend bien. On t'entend bien. Moi, j'entends pas trop ma voix en fait. Ouais, alors on va t'augmenter un peu le volume là, c'est le 1. Là, tu entends mieux là ? J'essaye, ouais, c'est bon comme ça. Ok, on y va. Ok. Ok, vas-y, tu peux enlever. Ok, chaud, chaud. Hein ? Ok, chaud, chaud. Yes, I. Ok. Entre la levée et mes textes, plusieurs options, je check. Inutile de test, là, 3-6-5, un test. Là, même si t'aimes pas, on t'épargne. Ok, t'étais où quand j'ai écrit mes premiers 16 ? T'étais où quand j'ai fait mes premières scènes ? T'étais où ? Hein ? Hein ? T'étais où ? Hein ? Hein ? Je ne suis pas dans les blabla. Plus dans le ratatatata. Je ne suis pas dans les blabla. Plata, plata, sans prendre le risque du placard. I get it, I take it, yeah. Ok, ok. Yes, ziggy, ziggy, ziggy, ace. Ok, ok, yes, I. On y va. Hein? Tu sais comment ça se passe. C'est chaud bouillant, hiver, été. Tu sais comment ça se passe. Normal d'avoir peur d'y rester. Tu sais comment ça se passe, mais il fait beau pour sortir fêter. Tu sais comment ça se passe, y'a pas de pourquoi devant l'impasse. Quoi qu'il en soit, je sors le soir. Quoi qu'il en soit, je sors le soir. Hein, hein, deuxième couplet. Ok, ok. Et ben. C'est comme ça que ça se passe. Soit on s'amuse, soit y'a de la casse. Balle perdue au milieu de la place. Dehors c'est chaud avec un vent qui glace. Tu sais comment ça se passe. C'est chaud bouillant, hiver, été. Tu sais comment ça se passe. Mais il fait beau pour sortir fêter. Tu sais comment ça se passe. Y'a pas de pourquoi devant l'impasse. Tu sais comment ça se passe. C'est chaud bouillant, hiver, été. Bravo! Ouais, bravo Jérémy, t'as vu ton mire. À mon tour, j'ai chanté une chanson. On vas-y. Fini, on n'a pas fini. Ah ouais? Ouais, là c'est Ayam. C'est Petit Frère, là c'est ouais. Ayam. Pas les paroles, juste l'instru. Mais il est où l'instru là? Faut la mettre. faut mettre sur l'onglet où t'es là, tu mets Ayam Petit Frère instrumental. Et tu vas la trouver assez vite. On ouais, mais c'est qui chante? C'est qui chante? Ça va être nous deux, on va faire un passe-passe de vous deux? Ouais, ouais, on va faire l'improvisation sur la scène. Faut que tu viennes chercher, Jérémy, parce que là, je la vois pas. Tu la vois pas? J'arrive. Mais on peut, Jamila, elle peut faire un entre-deux pour l'instant. Ouais, je vais improviser. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je vais essayer. Le café c'est mette, la fête c'est mena, fait que tous les mette. Ma fête c'est l'eau, ma fête c'est nos félo que mette, na fait que te mette fait. Ma fête c'est l'eau. Pas fallait se me fait que te lo mette, ma fait que c'est tolé, mais no fallo se me, na fait c'était que fait ne mette c'était, no fallo c'était ma fait, voca se fait me. Donc il y a ma fait dedans. Ça tombe bien. J'ai improvisé. Ça veut dire. C'est vrai que moi ça m'a donné faim aussi. Ça m'a donné envie de manger. Ouais, c'est un peu un jeu de syllabes. Super. Je sais pas, t'as compris ce que j'ai voulu dire? Non. Ouais, non, mais c'est. J'ai compris mafé, le go, ouais. Les mafés. Mais en général, quand je la chante, tout le monde danse. La la la la la la la. Tu l'avais déjà chanté ici, J'en connais une, alors elle est, c'est une belle chanson d'amour. Ouais. C'est chérie, laisse-moi te regarder, au mieux te contempler. Ce n'est pas difficile, facile, je vais tester, te faire des bisous partout dans le cou. Oh ma chérie, là. Je t'aime beaucoup. Sans te mentir, je voudrais te dire que je pense à toi lorsque tu es loin de moi. Chérie, viens m'embrasser, chérie, viens m'enlacer. Chérie, fais-moi kiffer, j'ai envie de t'aimer. Je sais ce que tu veux, je le vois dans tes yeux. Allumer le feu qu'il y avait entre nous deux. Je ferai des efforts, encore et encore. Rester près de toi, à la vie, à la mort. Ne pleure plus, chérie, les portes sont closes. Juste toi et moi pour que les nuits soient roses. Je pense sincèrement que tu es celle qu'il me faut, baby. Laisse faire le tempo, j'avoue, baby. Tu es ta peau contre ma peau. Te rappelles-tu, baby, ces longues heures passées ensemble allongées sur le lit. Les histoires de cœur finissent toujours en drame. Lorsqu'un homme est pris d'amour pour une femme, je ne sais pas si tu mens, mais si l'amour c'est ça, pourquoi m'as-tu abandonné dans un monde aussi froid? Laisse-moi t'aimer, même les yeux fermés, elle retrouvera le poids sur me toucher. Voilà, c'était MC, Little ouais. MC, laisse faire le tempo. C'est pas fini la chanson, ne vous rappelez plus. Ah, c'était presque une transition vers la chronique sexualité. Ah. presque. Mais c'est chanson qui m'a fait une déclaration d'amour en me la faisant écouter. Ouais. J'ai tellement kiffé que je l'ai appris par cœur. Ah, c'est beau. Ouais. C'est magnifique. Bon, on va... on va passer tout de suite à la chronique ou et après tu chantes? C'est nous là, tout de suite. Là. Ah d'accord, bon, c'est Jérémy n'a pas fini. Et après on passe à Christiana et après on passe au poème. On va pas tout lire le programme qui reste. Mais voilà, on est toujours un peu short. Un MC, un psychologue, on va voir ce que ça donne. Ayam, petit frère. Ok, allez, je commence. Posé sur le terrain, je pense à mes petits frères. Ok. Viens là, c'est là. Posé sur mon terrain, je pense à mes petits frères. Ils fument tous un joint. Et moi, je me demande comment les sortir de là. La caisse m'a demandé de rapper, mais je crois que je sais pas faire. Je crois que je me suis embourgeoisé. De quoi il me parle, ce mec? Je capte rien. Ok, je te parle pas de la rue, mais de la société. Ici, on est là comme des hommes, mais on doit procéder. Procéder à quoi? Pour faire quoi? Aller où? Moi je suis où? Je suis qui? Qui es-tu? Je me suis tu, c'est fini. Aller où? Aller vers qui? C'est ça la réelle question. Mais bon, comment faire comme la société tourne pas en rond? Alors t'avances, tu comptes et tu comptes. Mais je sais pas quoi faire, je fais que répéter. Je me répète et c'est la nuit qui arrive. Qui me tend le piège. Qui m'attend, c'est la fumette, c'est le piège. C'est le piège, mais faut répéter. C'est le piège, mais faut bien répéter. Pour être le meilleur, faut bien répéter. Pour instruire les vraies valeurs. Les vraies valeurs, hein, j'entends celles de la République. Mais pourquoi faire? Sont-elles dévoyées? Ah bon? Les valeurs de la République ne sont pas toujours bonnes. Mais bon, on fait avec. Faut penser aux petits frères comme l'ont fait Ayam et ceux d'hier. Mais Ayam, c'est Marseille, ici c'est Paris. Alors, de quoi tu parles? Non mais c'est, je déconne, on est bien, Paris-Marseille, connexion. Paris-Marseille, connexion, mais en vrai j'en ai rien à foutre du PSG. Moi je brasse pas le salaire de Neymar. Moi je brasse pas le salaire de Neymar. Moi je brasse pas le salaire de Neymar. Pas besoin de brasser pour parler, t'as ton parler, tu parlais France. Et la France c'est ça, on est bien. Je m'effondre. On s'effondre et le mur Bélin, le mur de Bélin s'effondre. T'inquiète, t'inquiète, c'est pas grave tant que les meufs succombent. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Ça y est, il m'a tué là, il m'a tué. Bravo. Oh, big up la caisse, merci pour l'invitation. Au calme. J'oublie pas si j'ai pas si putain. On n'a pas le même âge, mais si j'ai en grande pro. Comment on appelle ça? Progression. Tu peux poser sur l'instru. CGI, progression. En mode old school. Non, avec c'est technique. Si, si, si, si, non, laisse-le poser, laisse-le poser, il est chaud. Vas-y. On met l'instru. Quel instru tu veux? C'est celle-ci. Ah, ok. Après. Ça, t'as pas écouté le son que j'ai fait. Yeah. Oh, ok, CJ, ok, old school, ok. Je me prépare à faire le mili, pourtant je suis pas un gosse de riche. Ma mère elle me dit de faire la prière parce qu'il n'y a pas de code de triche. Il n'y a personne qui m'incite, tu pètes ta tête en asile. Dans le tunnel, il n'y a pas de lumière, elle, ma mère, fait des prières. Ceux qui m'ont tourné le dos, des gars qui m'appelaient mon frère. On partageait un grec, même la même assiette. Hendek, garde la pêche si t'allumes la mèche. Si t'as les couilles avec le fer, c'est pas t'es du terre-terre. Je veux pas de pura pour plaire. Nique sa mère, les indiques, c'est des faux frères. Rafale de balles, je vais les allumer. Elle est bien loin à l'époque où j'allumais des calumets. Des terres pour avoir ma quicheta. J'ai fait plus de 10K. Pas de séquelles, passé au mitard. J'ai gardé ma foi, y'a que Dieu qui peut mettre les barrages. La bagarre, je voulais me faire respecter à mon jeune âge. C'est ma zone, vers là où on vit, crave le bédo. Prends ta dose, 9-3-1-4-0. 9-3-1-4-0, ok. Pas de pura pour plaire. Nique sa mère, les indiques, c'est des faux frères. Rafale de balles, je vais les allumer. Rafale de balles, je vais les allumer. Elle est bien loin à l'époque où j'allumais des calumets. On fout le boucan chez nous, c'est le 9-3 Penavo Lika. Ouais, ça passe, y'a la brigade. Lourer mon poids, j'ai serré les poings. Ra Ra oh. Ah, la petite pochon, elle est revenue. Bon, très bien. T'es revenu. On a dit que t'es une petite cochonne, tu dis des trucs à la radio. Non, c'est pas vrai. Non. Ouais, c'est si, vrai. Si, si, non, si. C'est pas vrai. Non, mais on t'a dit n'importe quoi, on t'a dit que je disais quoi. Vas-y, balance. Non. C'est vrai? Demande. D'accord, ok. Je sais pas, on m'a dit que ton copain était plus âgé que toi, c'est vrai ou pas? Ah, t'as vu les rumeurs et tout, hein? Plus de copains. Oh, ça, je savais pas par contre. Elle a dragué Johan. Je te jure. Ah bon? Ouais. Et il a dit quoi? Il voulait voir. D'accord, ok. Pourquoi il a dit tu vois il comment plus, en fait? C'est rien, c'est ah, rien. Ah non, je... c'est vrai, non? Non, ils m'énervent pas, c'est les garçons qui sont bêtes. Ouais. Là, on est à l'école, c'est des garçons. Ils sont bêtes. Je sais pas, voilà. Ah ouais? Je sais pas. Ça t'as pas de nouvelles? Non, je vois que. D'accord. Mais il habite à Bobigny maintenant, il habite plus à Bondy. Bah oui, est-ce qu'il paraît? Il habite. Non, c'est pas ce qu'il paraît, c'est vrai. Yoann, il fait du tout le monde déjà. Tu l'aimes bien, Yoann? Arrête! Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu sais quoi, tu l'aimes bien, tu lui as dit non? Tu lui as dit que tu l'aimais bien. Tu peux faire ton test. Il a refusé les avances. Je me suis déjà pris un vent aussi, Christina, ça arrive des fois. Je veux une musique. Je me suis pris un vent il y a deux jours. Oh là là, par qui? Un con qui a rappelé là tout à l'heure, j'ai pas décroché. Je peux. Mais il t'a mis avant, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Devant lui-même. Tu l'as mal pris? Oui, j'ai mal pris. Bah écoute. Ah, j'étais là alors. Oui, t'étais là. Tu lui as dit quoi? Tu l'as dit, je veux. Je... Ça te dit, on sort ensemble, c'est ça? C'est ça, non? J'étais là, je crois. Bon, bon, bon. T'es bête. Hey. Alors, au moins, elle a pris les devants. On enchaîne avec la chronique. Au moins, t'as pris les devants. T'as pas attendu que ça dorme. Il y a des femmes, elles auraient pas pris les devants. Sophie, on va continuer la chronique parce que. Il m'a dit que vous voulez plus venir. Il y a Christiana qui voulait parler d'un truc important, c'est ça hein. Ouais, on va laisser. Moi j'attendais Sophie c'est pour des parler. Garçons, de... fais pas attention, ils sont je voulais pas. Je voulais pas. Attends, et encore, c'est rien les chamaillements qui te font. Hein. Moi, faut voir les chamaillements, mes potes qui me font. Hein. T'es dans quel... Tu serais dans quel état, toi? Je sais pas, moi, Sophie. Vas-y, à toi. Ou alors Bah, j'attendais Sophie. Ah, sinon, moi, j'ai un texte à. Si on me met une instru. Fais ton texte. Un truc un peu chelou, style la bande-son de Twin Peaks, ce genre d'ambiance. Attends, un 5 peu... minutes, 5 minutes, on peut parler de la rubrique. Non, minutes, je te mets une non. Hein tu te mets une Il y a des noirs ici, non, on veut pas. Attends, mets-moi un rubrique. Je te charrie. On attend, Christiana, s'il vous plaît. Je te mets une instru sur YouTube. Oui. Ouais, non, moi je cherche un truc, une ambiance, une musique d'ambiance. Mais je saurais pas dire. Genre la bande-son, la BO Twin Peaks peut-être. Attends, un truc, tu vois. Alors Sophie. Un truc étrange. Attends que... Un truc bizarre. Ouais, attends, je vais mettre ça. Mais... Vas-y, Christiana, on t'entend. Mais Sophie. Bah... Non, mais il a dit qu'il voulait mettre un truc. Moi je sais pas. Sophie. Bon, on écoute d'abord la musique. Ah là. Il faut t'imposer. Sinon, il faut te bouffer. Je m'impose, moi je sais. Mais je saurais même pas. Voilà, si tu t'imposes pas, ils vont te bouffer. Ouais, ok. Bon, alors je m'impose. Laisse-le poser. Oh. Les gars avec qui je traîne, c'est la cour martiale. Oh. Bon, ok, vas-y. Non, bah alors là, on n'est pas du tout sur l'ambiance. Moi, je vous parle d'un soir de novembre 2023, tard, perdu, tout seul. Et du coup, je me mets en mode écriture automatique pour me purger un peu. Et là il me faut une musique bizarre. Ouais, voilà, une musique bizarre comme ça. Une musique pour baiser, mais Christiane. Hein. Ok. C'est parti, petit texte. Il est tard lorsque le froid m'enveloppe. Le ciel est bas sous le poids de la nuit. Je ne suis pas seul car je ne suis plus. Personne m'écoute ici en fait. Aïe. Je t'écoute. Non, je déconne. Bon, allez, ça continue. Il pleut. Si j'éteins les lumières, alors nous serons en paix. Ensemble, vêtus d'ombre, enlacés dans l'obscurité. Je vois d'abord un bras qui m'enlace et me caresse le ventre. Tendresse des morts, libérés du poids du remords. Ils n'y sont pour rien si le vent souffle sur les hommes à les rendre fous. Silencieux, ils me parlent comme aux autres. Où suis-je, au centre de l'arène, avec le taureau et le minotaure, son frère? Tant d'hommes, où est la femme? Respect et adoration pour le chant des morts. Claque des doigts, craque tes dents, fissure ce mur et engouffre-toi. Il existe un autre chez toi où tu existes aussi. Ne casse pas le miroir car il te servira. Un bateau au loin, une barque plus proche et la lune toujours. L'eau de nuit, encre de Chine, dense et huileuse. Il ne pleut pas, c'est la lune qui le veut. Une cape sur une ombre et tu montres, tu es attendu là-bas. C'est le cimetière de Venise, mais déjà plus personne ne t'entend. Que disent les mots? Écris droit, dis-tu. Enfin, c'est le ciel, on y revient. Obsession, ciel, mort, nuit noire. Attaché au radiateur, il y a une femme blonde qui bouge, sourire de démon. Elle m'appelle, mais je ne m'approche qu'en âme, jusqu'à pouvoir faire un être aspiré par elle. Mais rien de cela ne se passe. Elle me fixe calmement, et je sens sa force et son pouvoir sur moi. Est-ce un test? Pourquoi moi? C'est peut-être ça la folie, c'est bien fait. On y croit vraiment si on veut. Alors j'écris pour faire exister les pensées qui viennent et me possèdent tout entier. La voilà partie et la porte dans le ciel se referme sur les étoiles. C'est le sang qui parle, il tambourine dans la gorge et étouffe dans la veine. Point. Voilà, ambiance. Super, bravo. Attends, tu peux, nom d'artiste. T'es vraiment romantique ou c'est un masque? Alors, je sais pas, moi parfois, du coup, la nuit, parfois j'écris des trucs comme ça, je laisse vraiment courir le stylo. Ouais, il est vraiment romantique. Ah ouais, tu trouves, c'est ça romantique? Ouais. Ah, ok. Exactement. Bon, bah, du coup, ouais, je suis un peu romantique. Bah oui. Ouais, bah c'est pas mal, hein. Bah, ça me va bien, je suis content. Tu nous as pas donné ton nom? Tu portes pas de masque? Mon nom. Ouais, j'ai pas anonyme, celui-là, il est anonyme. Il est pas signé, celui-là. C'est parce que c'est, ça parle d'amour un peu, non? Hein? Ça parle d'amour? Ah, t'as trouvé que ça parlait d'amour? Ah. La blonde. Ah, il va te détruire. Non, mais si, carrément. Bah, justement, en fait, c'est libre d'interprétation. Il y a de l'amour, il y a de la mort, il y a plein de trucs. Réflexion automatique, j'appelle ça. Bon, en fait, là, c'est comment ça s'appelle. Merci beaucoup à toi. Hein, merci de venir nous voir. Voilà. Avec plaisir. Salut au papotin et à Julien et à tout le monde là-bas. Yes, I, big up. Dépêche-toi, Christina. Mais là, on commence la chronique des Christina. On garde la même musique, non? Moi, j'ai trouvé ça. Non. J'ai trouvé ça plutôt sombre. Ouais, moi aussi, je trouve ça. Tu veux pas mettre un peu de Chris Brown? Allez. Non? Chris Brown, je mets du Chris Brown. Oui. Ça, c'est Angelo Valadametti. Moi, je trouve que la musique a fait un peu. Je vais y arriver. Chris Brown, le dernier morceau que t'as mis. Dernier morceau. Attends. Ça va avec toi, ça va avec ta chronique. Laquelle? Under the Influence. Ah ouais. Laquelle chronique déjà? Sur le programme, il y a écrit chronique sexualité. La chronique, non, même pas la sexualité, ceux qui se prennent des vents mais qui continuent d'avancer. La chronique. Nick, tu vois, ça va avec oui, Nick. Oui, tu te prends des voix. Moi, je me prends des voix à chaque fois parce que je suis polyamoureuse. C'est normal que je me prends des vents. Polyamoureuse, c'est-à-dire? Bah, je suis polyamoureuse, je me prends des vents à chaque fois. Mais ça veut dire quoi, polyamoureuse, bordel? Bah, t'es amoureux de plusieurs personnes. Ah, d'accord, ok, bon, ok. Tu te prends des vents à chaque fois. En fait, t'es pas amoureux, quoi, tu vas là où le vent te mène. Ah, là, c'est ça. Tu fais des expériences. Voilà. Parce que là, on est dans une. Voilà, c'est ça pas. Ça veut dire volage, en gros. Voilà. C'est quoi de volage? On est dans une société, j'utilise le terme. Tu es volage, tu es volage. Il a mis le doigt dessus. C'est pas grave d'être volage. C'est pas poli, non? C'est grave. C'est pas grave. Donc, voilà. Je t'emballais de ce qu'ils pensent, les gens, frère. Je t'emballais, grave. Vie pour toi, c'est tout. Toi, mais Christina, tu es volage, c'est grave. Tu peux vivre dans le regard des gens ou pas? Non. Qui est volage? Sophie, toi, ne la chauffe pas aussi. Hein. Ah oui? Ne la chauffe pas aussi. Qu'est-ce que ça fait si on saurait que tu sors avec deux garçons? Sérieux? Avec qui? Bon, ça fait quoi? Tu sors avec deux garçons là? Non, je sors avec personne. Mais ça, est-ce que tu pourrais sortir avec deux garçons en même temps? Bah oui, ça me dirait. D'accord. T'aurais pas peur de ce que pensent un peu les gens de toi, comme si, moi? Si, si. Oui, t'aurais peur quand même. Hein. Bah, j'ai peur qu'ils me traitent de pute. Carrément. Moi aussi, on me traite de pute. Toi aussi? Mais moi, on me traite de pute tout le temps. Ouais, mais bon, laisse béton, on sort de cette case. T'es poli. Tu leur réponds quoi, voilà. Ceux qui te traitent de pute, tu leur réponds quoi? Pas que je suis polyamoureuse déjà, que j'ai des besoins. Comme je suis célibataire, il n'y a pas de gars chez moi. Ouais, mais tu leur réponds, c'est la réponse qui m'intéresse. Tu leur dis quoi quand t'insultes? Ah, que je suis une pute? Ouais. Je dis madame pute. Belle réponse. Quand même. C'est mignon, hein. La classe. Non, je veux pas. Non, mais ici, avant, il y avait ces docteurs Bayon. Il y a deux jours, je me suis envoyé en l'air. Monsieur connard. Elle a raison, Sophie, elle a raison. Voilà, avec un pote à moi. Bader, il m'a dit, je fais le ramadan, je fais pas de problème. J'ai appelé un pote à c'est moi. C'est faux, pendant le ramadan, en fait, à partir du coucher du oui, soleil. Oui, merci. Vas-y, ma chérie. À partir du coucher du soleil jusqu'à l'aube, non, les relations charnelles et manger, boire, tout ça est possible. Donc, toutes les. À toutes les personnes qui sortent avec un musulman, s'il vous dit. Entre guillemets, s'il vous dit. On peut pas se voir pendant tout le mois du ramadan, il y a un problème, il y a anguille sous roche. Parce que c'est possible. Même lui, il est d'accord. Sophie, non, mais attends, mais moi je suis d'accord avec elle. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bon, bah je suis allée voir ailleurs. Donc voilà. Sophie dit, c'est même si quoi, tu dis entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Mais je vais pas l'attendre le mec, hein, si on va dans sa logique. Bah oui, si tu vas dans sa logique, il faut que tu attendes encore à peu près 20 jours. Oui, il m'a dit ça. Non, non, j'ai appelé un pote à moi avant. Sophie, elle a raison. C'est la meilleure chronique. Vous comprenez pas, moi je comprends, Sophie. Et j'ai envoyé les messages qu'ils m'ont envoyés après. Ils me disaient, ouais, t'es ma Cléopâtre et tout. J'ai envoyé tout ça à Bader. Ah bah ouais. J'ai attendu le coucher du soleil, par contre, pour lui envoyer les messages. Ah, voilà. Zut, ça veut dire tu l'as flingué. Oui, voilà, j'ai attendu, comme lui, le coucher du soleil. Ouais. Moi, je sais un truc sur toi, Sophie. Hein. Tu sais quoi, Soren? Tu sais quoi? Une fois, il m'a appelé à 3h du mat. Non, c'est je lui ai dit, tu manges bientôt? Il m'a dit, oui, je voulais savoir si t'étais avec un autre homme, machin. J'étais avec un autre homme, il vient de partir c'est et tout. C'est faux. Bon, en fait, je sais que, Sophie, en fait, elle aime bien qu'on l'appelle princesse. Ouais, c'est vrai. Elle aime beaucoup qu'on l'appelle princesse. Ouais, mais comme moi, je suis un joueur. De moi, en fait. Comme moi, je suis un joueur, elle peut pas capter mon ironie aussi. Oui, mais si. T'étais. Tu veux quoi? Il y a eu un truc entre vous, non? Non. Bon, c'est la chronique. C'est pour ça qu'on s'entend bien. On s'entend très très bien, mais il n'y a jamais rien eu entre nous. Non, mais, mais on s'entend très très bien, elle et moi. On ne s'est jamais disputé. Hein. Non, c'est vrai. Bon, il y a Ringo qui veut un peu chanter. D'accord, moi je vous laisse. Non, mais s'il chante, on en a pour longtemps. Non, mais on a 3 minutes. Ringo, tu peux prendre le micro. Bah, Christina, t'es polyamoureuse ou pas? Bah oui. Est-ce que tu sors avec des filles voilà. aussi? Bah oui. Non. Bah oui, je suis polyamoureuse. Tu m'as dit quoi? T'étais attirée par les filles? Non, je suis pas attirée par aucune fille. Bah oui, moi aussi, je suis polyamoureuse, moi aussi. T'as rencontré une fille sur Facebook, tu parles? Bah oui, bah je suis volage, bah j'aime tout ça, moi. Bon, et Ringo, tu es prêt? Il nous reste deux minutes de l'émission, 3 minutes. Alors, il y a tout le monde à parler, à Frise la chronique. Dune, tu voulais dire quoi aujourd'hui? Il a tout dit. Non, rien de particulier. Tu peux parler comme ça, ta voix est tellement magnifique ouais, que tu peux dire... Non. Je voulais dire juste à Sophie de faire attention à certaines de ses fréquentations, mais comme là, ce cher Bader, qui en fait... raconte des sermettes. Exactement. Et qu'en fait, ils utilisent leur confession. Exactement. Pour des raisons qui sont complètement. Absurdes. Absurdes. Exactement. Et c'est bien dommage. Parce bah que ouais. ça veut dire que l'honnêteté qu'ils ont, elle n'est pas très. Bah non, ça veut dire cadra que à la. C'est pas très catholique tout ça. Bah ouais. Mais Wiz Bader, tu sais que... c'est qui Bader? Wiz Bader. Tu sais qu'une fois. Bader. Non, moi j'ai couché avec Davidson il y a 2 jours, c'est un Haïtien. Davidson, moi tu. Voilà. Non mais bon, pour revenir. Sophie, tu peux le prêter ton micro à Ringo. Et moi je couche avec un ami, il fait rien. Tu veux ma bite? C'est qui Davidson? C'est qui Davidson et Bader? Bon Ringo, pour finir, 2 minutes. Bader, c'est un mec qui vient d'essayer de voir de vacances et qui est encore là, et Davidson. Attends, on peut le mettre là, les câbles, là, les câbles, là. Ah. Je peux le prendre, les câbles. Aïe, aïe, aïe, aïe. J'ai dit tes propos, moi, j'écoute un ami, il y a pas longtemps, là. Donc, en clair, en clair, genre ici, c'est... Ça, tu me l'as pas dit, Martin, en gros. De quoi, non? Quoi, donc? Les cacheteries de la radio Métanoïa. C'est lesquelles cacheteries? Tout ce que vous dites, là, moi, j'étais pas au courant de ça. Bah, t'es venu il y a pas longtemps, t'es revenu il y a pas longtemps, hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je suis revenu il y a pas longtemps, c'est vrai. Mais tu vas être au courant de plein de choses. Ah ouais? Soleil partout. Oh, j'avoue, c'est croustillant quand même. Vas-y, Ringo, on a une c'est minute. Croustillant. C'est croustillant. Une anecdote, non? Non, pas d'anecdote. Ringo, on a une minute. C'est qui la prochaine fois? C'est qui? Je sais pas. Mais pas les filles en tout cas. Non, pas intéressant. Ok. Bah, moi, j'aime tout, hein. J'aime tout. Yeah. Bo. Hey. Bo. Moi Luca, mon père m'a laissé dans l'orphelinat car j'ai grandi dans l'orphelinat. Rien à faire car je suis seul au monde, dans ce monde-là. Je donnerai tout que mon père, ma mère sache que je les aimerai à vie dans mon cœur à moi. Rien de tel à souffrir quand mes larmes tombent sur le visage comme la pluie tombe sur mon visage. Rien de tel à souffrir sans mon père, sans ma mère. Non puedo, un ami padre. Sufrelo, que no puedo, mio ma sufrelo. Un ami padre, mi madre. No puedo, mio, más reverda yo. Me sentí tanto triste, que me soy tanto. He kid for the life, guess a paradise. Seen all my life, guess a paradise. Sois cultivé, mingidi ma part, sois cultivé. Par la morotate. Minas tiba bisolende te jibina babi meredat descopi maradak. Pira maga corcoro, casem de vla chororo. Menastiba. Bisolende, me magava, te parovava, te parava. Sois cogive, menastiba, bisolende. Merova vipe, sois cogive, menastiba, bisolende. I don't live, time to see. Me one be yours, are you on me? It's all my life, Guest Paradise. Ils auront ma life. Guest Paradise. Ils auront ma life. Guest Paradise. Ils auront ma life. Guest Paradise. Mais ma gava, soit cogivé, me redate, pas chaman d'été, y'a belle massa. Car je pense depuis 45 ans, je vois pas mon père que maintenant encore un ange dans le ciel. Car il est parti au ciel avec Dieu, je verrai plus mon père toute ma vie, je donnerai tout pour le dire que je l'aime, qui restera dans mon cœur éternel tous les jours. Je donnerai tout que mon père et qui s'achève, je l'aime. Toute ma vie je resterai brisé car je l'ai pas connu. J'ai mal dans moi tous les jours je pleure en moi. Je suis brisé sans lui car je peux pas vivre sans mon père. Encore un ange dans le ciel. Ambitious, are you on me? Me, why I live? Time to see, and me, was bious, are you on me? Bum, bottom, bottom, bum, bottom, bottom. Oh pété moi Grigo de retour, la sodo les bas, faut poster yo du temps comme ma vie, j'ai ce perte, j'ai comme de faire, alors je peux rien y faire, je reste. Je passe avec mon pote et mes gars, je te prends ta recette là. Si t'es pas content là, je te nique ta mère comme un Colombien, comme un Russe là. C'est le meilleur en vrai. C'est le meilleur. Musicalité émergente. Continue comme ça. Putain. C'était lourd, c'était colossal, putain. Je suis mort de rire. Lui ça va te chier, lui. Il rigole, lui. Mais hey, il provoque trop. Il provoque, je suis obligé de rigoler.